Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité. La Trinité au ciel, livre 15e. Chapitre 20, contre Eunomius qui prétend que le Fils n'est pas Fils par nature, mais par adoption, résumé de ce qui a été dit plus haut. C'est donc un ridicule raisonnement que celui de Eunomius, le père de l'hérésie qui porte son nom, lequel ne pouvant comprendre ou ne voulant pas croire que le Verbe unique de Dieu, par qui tout a été fait, Jean 1, 3, est fils de Dieu par nature, c'est-à-dire engendré de la substance du Père, a prétendu qu'il n'est point le fils de la nature ou de la substance ou de l'essence de Dieu, mais fils de sa volonté, entendant par là que la volonté par laquelle Dieu engendrerait son Fils ne serait qu'un simple accident, analogue à ce qui se passe chez nous quand nous voulons ce que nous ne voulions pas d'abord. Comme si ce n'était pas une preuve de l'inconstance de notre nature, ce que la foi nous défend absolument d'admettre en Dieu. Car ce texte, les pensées se multiplient dans le cœur de l'homme, mais la pensée du Seigneur subsiste éternellement, Proverbe 19, 21, n'a pas d'autre but que de nous faire comprendre et croire que, Dieu étant éternel, sa volonté est aussi éternelle et par conséquent immuable comme lui. Or, ce qui se dit des pensées peut avec autant de vérité se dire des volontés. Les volontés se multiplient dans le cœur de l'homme, mais la volonté de Dieu subsiste éternellement. Quelques-uns ne voulant point appeler le Verbe unique fils de la pensée ou de la volonté de Dieu, ont prétendu qu'il est la pensée même ou la volonté. Mais il vaut mieux, selon moi, dire qu'il est pensée de pensée, volonté de volonté, comme il est substance de substance, sagesse de sagesse, pour ne pas retomber dans l'absurdité que nous avons déjà réfutée. Que le Fils donne la sagesse ou la volonté, vu que le Père n'a ni pensée ni volonté dans sa propre substance. Un hérétique astucieux demandait un jour si c'est de bon ou de mauvais gré que le Père engendre son Fils. Son but était, si on admettait le second cas, d'en déduire une misère infinie dans Dieu, et, dans le premier cas, d'en tirer cette conclusion nécessaire que le Fils n'est point fils de la nature, mais de la volonté. Quelqu'un, qui n'était pas moins rusé que lui, lui demanda à son tour si c'est de bon ou de mauvais gré que le Père est Dieu. Dans le second cas, il en aurait aussi déduit que Dieu est infiniment misérable, hypothèse absolument extravagante, et, dans le premier, qu'il n'est pas Dieu par nature, mais par volonté. Que restait-il à l'hérétique, sinon de garder le silence et de se voir pris dans ses propres filets? Du reste, s'il faut attribuer à l'une des personnes de la Trinité le nom propre de volonté, c'est surtout à l'Esprit Saint qu'il convient, comme on lui attribue la charité. Car qu'est-ce que l'amour, sinon la volonté? Je pense que ce que j'ai dit de l'Esprit Saint dans ce livre, d'après les Saintes Écritures, suffit aux fidèles qui savent déjà que l'Esprit Saint est Dieu, qu'il n'est point d'une autre substance ni moins grand que le Père et le Fils, comme je l'ai démontré dans les livres précédents, toujours selon ces mêmes Écritures. En parlant de la création, nous avons aussi aidé de tout notre pouvoir ceux qui aiment à se rendre raison de ces choses, à comprendre, autant qu'ils le pourront, les perfections invisibles de Dieu par les choses qui ont été faites, Romains 1, 20, et surtout par la créature raisonnable ou intelligente, qui a été faite à l'image de Dieu, espèce de miroir où ils découvriront, s'ils le peuvent et autant qu'ils le pourront, le Dieu Trinité, dans notre mémoire, notre intelligence et notre volonté. Quiconque voit clairement ces trois choses créées par Dieu même dans son âme, et comprend quelle grande chose c'est pour elle de pouvoir par là se rappeler, voir, aimer la nature éternelle et immuable, se la rappeler par la mémoire, la contempler par l'intelligence, s'y attacher par l'amour. Celui-là aperçoit évidemment une image de la Trinité. C'est à se rappeler cette très parfaite Trinité pour s'en souvenir, à la voir pour la contempler, à l'aimer pour y trouver son bonheur, qu'il doit consacrer tout ce qu'il a de vie. Mais, qu'il se garde bien de comparer à cette même Trinité et de regarder comme lui étant semblable en tout point, l'image qu'elle a créée elle-même, et qui s'est dégradée par sa propre faute, nous lui avons assez fait voir quelle immense différence il trouvera dans cette imparfaite ressemblance. Chapitre 21. De la ressemblance du Père et du Fils découverte dans notre mémoire et notre intelligence, de la ressemblance du Saint-Esprit dans notre volonté ou notre amour. J'ai pris soin de montrer que Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est-à-dire le Dieu engendrant qui a exprimé en quelque sorte tout ce qu'il a substantiellement dans son Verbe qui lui est coéternel, et son Verbe qui est Dieu et n'a ni plus ni moins en substance que ce qui est en celui qu'il a, non faussement, mais véritablement engendré, j'ai, dis-je, pris soin de les faire voir, non pas face à face, mais par ressemblance et en énigme. 1 Corinthiens 13, 12, autant que je l'ai pu et à l'aide de conjectures, dans la mémoire et l'intelligence de notre âme, attribuant à la mémoire tout ce que nous savons même sans y penser, et à l'intelligence la faculté d'informer notre pensée d'une manière propre et particulière. C'est en effet surtout quand nous pensons à une vérité que nous avons découverte, que nous sommes d'y comprendre, et, cette vérité, nous la laissons ensuite dans notre mémoire. Et c'est dans ces intimes profondeurs de la mémoire où nous avons d'abord découvert par la pensée, que le Verbe intime, qui n'appartient à aucune langue, est engendré comme science de science et vision de vision. Là aussi l'intelligence qui fait son apparition dans la pensée est engendrée de l'intelligence qui était déjà dans la mémoire, mais y restait cachée. Du reste, si la pensée n'avait pas elle-même une certaine mémoire, elle ne retournerait pas vers ce qu'elle a laissé dans la mémoire, vu qu'elle s'en irait ailleurs. Pour ce qui regarde le Saint-Esprit, j'ai montré que rien, dans cette énigme, n'en offre la ressemblance, sinon notre volonté, ou l'amour ou dilection, qui est la volonté la plus puissante, parce que notre volonté, qui fait partie de notre nature, éprouve des affections diverses, suivant que nous sommes attirés ou repoussés par les objets qui se présentent à elle ou lui sont offerts par le hasard. Mais quoi, dirons-nous que notre volonté, quand elle est droite, ne sait que désirer, ni qu'éviter? Si elle le sait, elle a donc une certaine science propre qui suppose nécessairement la mémoire et l'intelligence. Ou bien prêterons-nous l'oreille à celui qui affirmera que la charité, qui ne fait pas le mal, ne sait pas ce qu'elle a à faire? Ainsi donc cette mémoire principale, où nous trouvons tout prêt et comme mise en réserve de quoi occuper notre pensée, cette mémoire a déjà l'amour, aussi bien que l'intelligence, car nous les y trouvons tous deux. Quand nous découvrons par la pensée que nous comprenons et que nous aimons quelque chose, et nous voyons qu'ils y étaient, même quand nous n'y pensions pas, et cette intelligence qui se forme par la pensée, elle a l'amour, comme elle a la mémoire. Et ce Verbe vrai, nous l'exprimons intérieurement sans le secours d'aucune langue, quand nous disons ce que nous connaissons, car le regard de notre pensée ne se retourne vers quelque chose que par la mémoire, et il ne prend soin d'y retourner que par l'amour. De même, l'amour qui unit comme père et fils la vision qui a son siège dans la mémoire et la vision de la pensée qui en est formée, ne serait ce qu'il doit raisonnablement aimer s'il n'avait la science de désirer, qui suppose nécessairement la mémoire et l'intelligence. Chapitre 22. Combien est grande la différence entre l'image de la Trinité que nous découvrons en nous et la Trinité elle-même. Ces trois choses, mémoire, intelligence, amour, se trouvant dans une seule personne, telle qu'est l'homme, on peut nous dire, elles sont à moi, et non à elles-mêmes. Ce n'est pas pour elles, mais pour moi, qu'elles font ce qu'elles font, ou plutôt c'est moi qui agis par elles. En effet, je me souviens par la mémoire, je comprends par l'intelligence, j'aime par l'amour, et quand je tourne vers ma mémoire le regard de ma pensée, que je dis en mon cœur ce que je sais que le Verbe vrai est engendré de ma science. Verbe et science, tous les deux sont à moi. Car c'est moi qui sais, c'est moi qui dis en mon cœur ce que je sais. Et quand, réfléchissant, je trouve dans ma mémoire que je comprends déjà, que j'aime déjà quelque chose, cette intelligence et cet amour qui étaient là même avant que j'en formasse ma pensée, je trouve dans ma mémoire même, que c'est mon intelligence, celle par laquelle je comprends, mon amour, celui par lequel j'aime, et qu'ils ne s'appartiennent pas. De même, quand ma pensée se souvient et veut retourner à ce qu'elle avait laissé dans la mémoire, le comprendre, le considérer et le dire intérieurement, c'est ma mémoire qui se souvient, c'est de ma volonté qu'elle veut et non de la sienne. Enfin, mon amour lui-même, quand il se souvient et comprend ce qu'il doit désirer, ce qu'il doit éviter, se rappelle par ma mémoire et non par la sienne, comprend par mon intelligence et non par la sienne, tout ce qu'il aime avec intelligence. En deux mots, on peut dire, c'est moi qui, par ces trois choses, me souviens, comprends et aime, moi qui ne suis ni mémoire, ni intelligence, ni amour, mais qui possède ces trois choses. On peut donc dire que ces trois choses appartiennent à la personne qui les possède, mais non que la personne qui les possède soit ces trois choses. Or, dans la simplicité de cette nature souveraine qui est Dieu, bien qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chapitre 23. Encore de la différence qu'il y a entre la Trinité qui est dans l'homme et la Trinité qui est Dieu. On voit maintenant, à l'aide de la foi, la Trinité à travers un miroir, pour mériter de la voir un jour plus clairement face à face selon la promesse. Autre chose est donc la Trinité substantielle, autre chose l'image de la Trinité dans un objet étranger. C'est à cause de cette image qu'on donne aussi le nom d'image à l'être même où sont ces trois choses, comme on appelle image tout à la fois et le tableau et ce qui est peint dessus. Mais le tableau ne porte le nom d'image qu'à cause de la peinture qu'il présente. Or, dans cette souveraine Trinité, incomparablement supérieure à tout ce qui existe, l'indivisibilité est telle que, tandis qu'on ne peut pas dire qu'une Trinité d'hommes soit un homme, là on peut dire qu'il y a un seul Dieu, et il n'y en a qu'un réellement. On ne doit pas même dire que cette Trinité est en un seul Dieu, mais bien qu'elle est un seul Dieu. En elle encore, il n'en est pas comme dans l'homme, son image, où une seule personne possède les trois choses, mais il y a trois personnes, le Père du Fils, le Fils du Père et l'Esprit du Père et du Fils. Car, quoique la mémoire de l'homme, surtout celle qui est refusée aux animaux, c'est-à-dire celle qui renferme les objets intellectuels, les objets qui ne lui viennent pas par l'entremise des sens, quoique cette mémoire offre une ressemblance, bien faible, il est vrai, incomparablement inférieure, mais enfin une ressemblance quelconque avec le Père. Quoique, également, l'intelligence de l'homme, celle qui est formée par la tension de la pensée, quand on dit ce que l'on sait, parole du cœur qui n'appartient à aucune langue, quoique cette intelligence présente aussi, sauf une immense différence, une ressemblance quelconque avec le Fils, enfin quoique l'amour de l'homme, procédant de la science, unissant la mémoire et l'intelligence, et commun à cette espèce de père et de fils, sans être lui-même ni père ni fils, quoique cet amour offre aussi, avec une différence très grande, quelque ressemblance avec le Saint-Esprit. Cependant, tandis que dans cette image de la Trinité, ces trois choses ne sont pas un homme, mais appartiennent seulement à un homme. Dans la souveraine Trinité dont celle-ci est l'image, les trois choses n'appartiennent pas à un seul Dieu, mais sont un seul Dieu, ne sont pas une seule personne, mais trois personnes. Et c'est une chose merveilleusement ineffable ou ineffablement merveilleuse que, tandis que l'image de la Trinité ne forme qu'une seule personne, la Trinité elle-même renferme trois personnes. Et que cette trinité de trois personnes soit bien plus indivisible que la trinité d'une seule personne. En effet, cette souveraine trinité dans la nature de la divinité, ou pour mieux dire de la déité, est ce qu'elle est immuablement et éternellement égale en elle-même. En aucun temps elle n'a pas été, ou n'a été autrement. Jamais elle ne sera plus, ou ne sera autrement. Au contraire, les trois choses qui sont dans son imparfaite image, si elles ne sont pas séparées totalement, vu qu'elles ne sont pas des corps, diffèrent cependant entre elles pendant cette vie, sous le rapport de l'étendue. En effet, bien qu'elles ne soient pas des choses matérielles, nous n'en voyons pas moins que la mémoire est plus grande que l'intelligence chez l'un, qu'elle est moindre chez l'autre, que chez un troisième égales ou non entre elles, elles sont surpassées en étendue par l'amour. Ainsi ou deux l'emportent sur une, ou une sur deux, ou l'une sur l'autre, elle est plus petite c'est d'eau plus grande. Fût-ce-t-elle, du reste, égale entre elles et guérie de toute maladie, même alors, on ne pourrait égaler à une chose immuable par nature une chose qui ne devra qu'à la grâce de ne plus changer, parce que la créature n'est point égale au Créateur, et que par le fait même qu'elle sera guérie de toute maladie, elle subira un changement. Toutefois cette souveraine Trinité, qui n'est pas seulement immatérielle, mais absolument indivisible et véritablement immuable, nous la verrons bien plus clairement et avec beaucoup plus de certitude que son image qui est en nous, quand viendra cette vision face à face qui nous est promise. Cependant ceux qui voient à travers ce miroir et en cette énigme, autant qu'il est donné de voir en cette vie, ne sont pas ceux qui voient dans leur âme ce que nous avons expliqué et fait ressortir, mais ceux qui voient leur âme comme une image, afin de pouvoir rapporter à celui dont elle est l'image ce qu'il voit, comme il le voit, et entrevoir par conjecture ce qu'il découvre par image, puisqu'ils ne peuvent pas encore contempler face à face. Car l'apôtre ne dit pas « nous voyons maintenant un miroir », mais « nous voyons maintenant à travers un miroir ». 1 Corinthiens 13, 12. markendanarchive.org, d'après abbaye saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.